Pourquoi en tant que metteur en scène, vous travaillez avec un dramaturge et comment vous travaillez avec un dramaturge? Si c'est trop général, on rentre dans le texte. Hein. Et parce que dans le travail, dans le travail au quotidien, dans le travail de répétition, en fait, la dramaturgie est la plus importante en mouvement, c'est-à-dire elle est importante en étude préalable, mais elle est surtout importante en mouvement, c'est-à-dire quand on répète, parce que quand on répète, il y a, je sais pas comment dire, il y a énormément de choses qui se passent et qui sont de l'ordre de l'inattendu, on peut dire ça comme ça, mais. C'est-à-dire aussi bien de ma part, parce que je peux très vite quitter certaines idées qui étaient la base du travail préparatoire, ou alors c'est l'influence directe des acteurs. Ce qui fait que comment dire, le modèle préalable qu'on a pu établir subit des modifications. Je trouve que c'est important qu'il reste un ou deux dramaturges qui regardent le travail pour voir. Pour voir si justement dans ces je sais pas, dans ces nouvelles données comme ça, on est toujours à peu près dans le, ou si on s'en éloigne du projet central. Enfin de, donc je pense que la dramaturgie pour moi est la plus importante quand c'est en mouvement. Quand elle est préalable, je considère ça plus comme l'étude. C'est très difficile là parce que pour le moment j'essaye de vous parler, mais en fait tout ce que je sais sur la cerisette, j'essaye de l'oublier parce que je vais commencer à répéter dans une semaine. Et mon premier système, c'est d'essayer de tout oublier. Donc, j'ai essayé de me rappeler. Mais je pense que c'est fondamental. Enfin, c'est une des. Moi, je ne saurais plus, maintenant à force, je ne saurais plus aborder une pièce tout seul ou simplement avec un scénographe ou un assistant, quoi. Parce que je pense qu'il y a. C'est toujours le truc qui empêche de tourner en rond, quoi. C'est-à-dire que chaque fois qu'on se fait des séances de travail, on croit qu'on a à peu près, dans le travail préparatoire, on croit qu'on a à peu près cerné les choses, qu'on sait où ça va, et puis finalement, le dramaturge est toujours là pour dire, ouais, mais bon, peut-être qu'on n'a pas vu ça, et que peut-être si on voyait ça, c'est important, et à ce moment-là, ça remet toujours en question, quoi. Mais en même temps, il faut savoir où ça s'arrête. Il y a par exemple. Pas au travail préalable, mais en tout cas quand c'est en mouvement, quand c'est en répétition, par exemple la place de la dramaturgie est très particulière, c'est-à-dire qu'en aucun moment elle peut prendre la place de la mise en scène, et que souvent c'est des protocoles d'accord avec les dramaturges avec qui on travaille, mais par exemple moi je supporte pas que, par exemple le dramaturge donne une indication à un acteur. Ça arrive. Ça arrive, d'ailleurs c'est souvent surfondé, c'est intéressant, mais je pense que c'est. Parce qu'on ne peut pas. Par rapport aux acteurs, on ne peut pas toujours multiplier les paroles. Puis il y a une manière comme ça de la mise en scène de se taire à des moments, parce qu'il est plus objectif de se taire par rapport à ce que fait un acteur. Et souvent les dramaturges sont bavards. Et ça se présente de la même manière, le travail avec le dramaturge, si c'est Fedot, ou Tchekhov ou Guinevere. Non, si je prends Fedot, par exemple, le travail de dramaturgie sur Fedot, il consistait à aller voir, parce qu'il y avait des manuscrits qui étaient déposés à la SACD sur l'hôtel de libre-échange, et d'aller voir la ponctuation, parce que je pense que finalement, jouer Fedot, le point essentiel, c'est le point d'exclamation, quoi. Si on a compris comment on peut faire un exclamatif, on peut le jouer. Si on n'a pas compris, on reste dans la comédie de mœurs, ou on ne va jamais au vaudeville, comme en gros. Et donc la dramaturgie, c'est un des points essentiels. On s'est rendu compte d'ailleurs que dans cette pièce, contrairement à ce que je croyais moi, il y avait une première version de l'Hôtel du Libre-Échange, et c'était très très intéressant de voir comment Fedot avait changé entre les deux versions. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on croit, il travaillait énormément, et les modifications sont passionnantes parce que souvent c'est des effets enlevés, souvent des effets textuels, enfin, qui sont parfois même, moi j'en ai bien un, j'ai remis parce que je trouvais ça tellement incroyable, mais donc c'était quelqu'un qui travaillait énormément, c'est-à-dire c'est pas du tout l'image comme ça fantaisiste qu'on peut en avoir, c'est très très, c'est très structuré et les changements sont plutôt pertinents, quoi, vraiment pertinents. Sur Vinavert, c'est pareil. Enfin, en gros, hein, je dis des trucs très gros, mais par exemple, la dramaturgie avec Vinavert, elle se fait plus avec lui, je trouve. Parce que c'est une manière de considérer la pièce d'abord comme un matériau sonore. Je pense que c'est le premier événement quand on travaille sur les pièces de Michel, c'est vraiment c'est le sonore, c'est-à-dire c'est tout ce qui est de l'ordre, comment on peut appeler ça, rythmique. Enfin, disons par exemple, la dramaturgie essentielle, c'est lui qui l'a fait parce qu'il met son texte. Enfin, je lui demande, en tout cas quand je travaille sur ces pièces, de mettre son texte en partition. Donc ça veut dire qu'il a des. Comment appeler ça? Il a des. Des signes qui posent sur le texte qui sont de l'ordre de l'accent. Alors je veux dire, souvent c'est pour marquer les syllabes qui sont accentuées ou pas, c'est pour savoir si c'est staccato ou si c'est fluide, enfin je veux dire, tout ce type de notation. Et en général d'ailleurs ça se conclut par un travail d'une semaine avec lui, avec les acteurs, où c'est lui qui dirige plutôt la répétition. Bon, par exemple, avec Michel, la dramaturgie, c'est beaucoup moins. C'est presque lui qui le fait, quoi. Enfin, c'est parce que c'est presque trop particulier. Enfin, alors, on peut évidemment, je veux dire, on peut travailler sur plein d'autres choses. On peut travailler sur le territoire de l'entreprise, on peut. Enfin, tout ce qui est. Les thématiques qu'il aborde. Mais l'événement, il est sonore, je pense, chez lui. Donc, c'est tout à fait autre chose. Et sur Tchekhov, enfin. Sur Tchekhov, c'est. Ça dépend un peu des. Je crois que chaque pièce est particulière, donc ça dépend un peu des pièces, quoi. Quand on monte Platonov, par exemple, on a le choix à faire. Qu'est-ce que c'est la version qu'on. Quelle est la version qu'on joue, quoi, sur les 6 heures que Markovitch qu'André a traduit, quoi. Et donc là, par exemple, c'est très étonnant, d'ailleurs, parce que la version qu'on a jouée de Platonov, c'est Vitoz, moi, et Guillaume Lévesque, qui étaient les deux dramaturges qui l'avaient faite, et Markovitch a eu le Molière d'adaptation pour ça, mais en fait, c'est les dramaturges qui l'ont fait, c'est pas lui. Il a fait le texte, d'ailleurs. Peu importe. Non, c'était là, par exemple, sur Platonov, c'était vraiment trouver la bonne version, quoi. C'est-à-dire, avec d'énormes regrets souvent, mais bon, choisir, quoi.